Chapitre 17. Dès le matin venu, la gorge avait été complètement cernée. Le commandant de Sébus avait placé des postes à chacune de ses issues, et partout où Farinet aurait eu la moindre chance de s'échapper. Puis, il avait fait venir Joséphine pour l'interroger encore une fois. Ils étaient bien une dizaine, assis autour d'une grande table, dans la salle de la maison de commune. Outre monsieur le commandant de Sépibus, il y avait le président, les quatre municipaux dont Romayé, le greffier communal, madame Ray, avec son fils, tandis que le côté de la table, qui était voisin de la porte, se trouvait être inoccupé. Là, elle était parue. Là, elle se tenait debout. Il y avait un gendarme, à sa droite, à sa gauche, un autre gendarme. Ses mains, à cause des menottes, étaient un peu écartées de son corps, et avant que M. de Sépibus ait eu seulement le temps de prendre la parole, « Non, c'est pas lui, et ce n'est pas juste, parce que ce n'est pas lui, c'est moi. »« Taisez-vous, » disait M. de Sépibus. « Non, » disait-elle, « non. » Elle avait oublié que ses mains étaient attachées, elle cherchait à les lever, alors elle faisait un bruit comme quand la chèvre dans la haie secoue à coups saccadés son grelot. « Taisez-vous. » Vous feriez mieux de nous dire comment vous vous y êtes prise pour pénétrer dans le bureau de poste, si c'est bien vous, comme vous persistez à l'affirmer. Oui, c'est moi. Taisez-vous, madame Ray. Oh, justement, disait Joséphine. Madame Ray pourra vous le dire, et qu'elle fermait bien du côté de la rue, mais pas du côté du jardin. Parce que c'est moi, je vous assure. Lui, il est innocent. Je vous jure qu'il est innocent. Est-ce qu'il n'y a pas au rez-de-chaussée une chambre de débarras? Est-ce que je ne le savais pas? Et la fenêtre avait un carreau cassé. Pas vrai, madame Ray? Vous voyez, monsieur le commandant, je n'ai eu qu'à venir et à ouvrir la fenêtre. Et une fois qu'on est dans la pièce, il y a une porte qui communique avec le bureau, n'est-ce pas, madame Ray? Et la clé du tiroir, madame Ray, vous savez bien où vous la cachiez. Et moi aussi, oui, dans le coin du pupitre. C'est ça, sous des vieux papiers et des registres. Madame Ray a hoché la tête parce qu'on la regardait. Il faut dire qu'elle était plus tranquille depuis qu'on avait retrouvé ses 800 francs. Alors, monsieur le commandant, vous comprenez, il n'y avait qu'à la prendre, cette clé. Et puis j'ai ouvert le tiroir, et j'ai pris les billets, et j'ai mis les pièces à leur place. C'est pas lui, c'est moi. Oh, qu'est-ce que j'ai pensé, et qu'est-ce que vous allez lui faire à lui? Oh, ne lui faites rien, il est innocent, je vous dis. Je voulais l'obliger à venir avec moi, parce qu'il ne voulait pas partir. Il disait qu'il n'avait point d'argent. Moi, je me suis dit... Quand il aura de l'argent, il viendra. Mais il n'a pas voulu venir. De nouveau, elle faisait un mouvement avec ses mains, pas tout à fait immobilisées. De nouveau, on a entendu le tintement des chaînettes pendant qu'elle s'était tournée vers Baptiste Ray. « Et tout ça, c'est votre faute. » Il a dit. « À moi? Oui, à vous. » Il a essayé de dire. « Pourquoi? Ah, vous ne vous souvenez pas, peut-être. Oui, vous, quand vous êtes venu. Taisez-vous. » Baptiste devenait tout pâle. Mais le commandant de Sépibus était intervenu à nouveau. « Taisez-vous. » Elle a obéi. Pour un petit moment, du moins, elle avait obéi et elle s'était tue. « Alors vous soutenez que c'est vous, greffier, écrivez, que c'est vous qui avez commis le vol en question. « Oh oui, monsieur. Oh oui, c'est moi. Et lui n'a rien fait. Alors, monsieur... » Elle changeait de voix. « Et ne lui faites rien à lui, n'est-ce pas? Moi, je suis déjà trop punie. Ça fait de l'ombre, vous savez. » Romayet et le président baissaient la tête. L'interrogatoire avait continué. Puis on l'avait emmené. Madame Ray et son fils étaient sortis de leur côté, et ces messieurs, se trouvant seuls, avaient commencé une discussion. Romayet disait « Ça n'est peut-être pas très juste, il ne faudrait pas le pousser à bout. Messieurs, nous nous trouvons en présence de deux délits, le délit de rupture de ban et celui de vol. À supposer que Farinet ne soit pas coupable du second, ce que je veux croire, il n'en est pas moins justiciable du premier. » Car M. de Sépibus parlait bien. Sans compter, continuait-il, la fabrication de fausses monnaies. « C'est vrai, disait Romayet, mais ce n'est pas un mauvais garçon. » Et, disait M. de Sépibus, ayant été chargé de l'arrêter mort ou vif, il faudra bien que j'accomplisse ma mission, d'autant plus que d'importantes forces de gendarmerie ont été mobilisées. C'est une opération qu'on ne recommence pas deux fois. Cependant, disait le président, est-ce qu'on ne pourrait pas... C'est qu'on tient à lui, vous savez. Il faut dire qu'il y avait beaucoup de mécontentement dans la commune. comme on n'osait pas discuter de ces choses dans la rue, c'était derrière les portes des écuries à demi fermées qu'on se réfugiait. Il parlait bas, ce matin-là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y avait Fontana, il y avait Ardeva, ils disaient tous, il faudrait aller le délivrer. Il faudrait qu'on soit deux ou trois, disait Fontana. C'est que c'est gardé. Tous les postes étaient occupés, c'est-à-dire toutes les issues de la gorge. Le tunnel, le lit même du torrent, il était pris comme une souris dans sa trappe. Et elle, disait-on, où est-ce qu'elle est? Oh, elle est enfermée dans la maison de commune. Si je la tenais là, disait Fontana, je l'étranglerais. Il parlait bas dans l'étable encore vide, parce qu'on ne garde en été qu'une bête pour le lait, et les autres n'étaient pas redescendus de la montagne, une bête qui était couchée sur sa litière et ruminait paisiblement pendant ce temps, tout à son affaire, et nous, est-ce qu'on n'est pas à la nôtre? Pourtant, il ne trouvait aucune solution. Il n'en avait trouvé aucune que d'aller parler au président, quand justement ils le virent montant chez lui avec Romayet. Alors ils ont appris que Romayet avait obtenu de monsieur de Sépibus l'autorisation d'aller parler à Farinet avant qu'on fît les sommations. Romayet était donc penché, les mains autour de la bouche, au-dessus de l'ouverture de la grotte, qui devait être à une vingtaine de mètres plus bas. On ne pouvait pas la voir, la paroi dans sa chute faisant à cette place une espèce d'avancement. Farinet, c'est Romayet, le municipal Romayet. J'ai une communication à te faire. Il s'est tu. Alors, les échos, attentifs et toujours prompts à s'amuser, étaient sortis de leur cachette avec des éclats de voix, des rires, des chuchotements qui ont duré longtemps, couvrant le bruit de l'eau. Les échos avaient entendu, mais lui. Oh, a dit monsieur de Sépibus, s'il n'entend pas, c'est qu'il le veut bien. Il était là avec ces messieurs de la justice et trois gendarmes, dont l'un avait une trompette. Il a continué, mais parlez bref et espacé, si vous voulez qu'ils vous comprennent. Farinet? Rien. Tu m'entends? Avait repris Romayet. Rien. C'est pour te dire. Joséphine Pélanda, elle a avoué. On sait. Rien. Alors, Farinet, je venais te dire, on t'en tiendra compte. Il faut te rendre. Les échos sont venus de nouveau. Rang, rang, rang. Puis il meurt. Alors le bruit de l'eau avait recommencé à se faire entendre, et ce n'est qu'au bout d'un moment qu'une voix est venue, et cette voix disait « non ». Elle disait « non » tranquillement, elle parlait avec douceur. On s'est étonné qu'elle vînt d'aussi près, tellement le long silence avait pu faire croire à une absence ou à un extrême éloignement. Farinet était là tout près, assis sans doute à l'entrée de sa grotte. Il vous parlait comme au coin du feu, sans avoir besoin de pousser sa voix. Il disait « non ». Romayet a regardé le commandant qui a haussé les épaules, mais Romayet reprend courage. « Que veux-tu faire, Farinet? Si tu ne te rends pas, tu seras pris. Farinet, pense à tes amis, tu en as, tu sais, on t'aime bien. Ils seront contents de te revoir, c'est eux qui m'envoient. » On a entendu de nouveau la réponse qui venait. « Non, vous voyez, a dit monsieur de Sépibus, c'est inutile. Il faut pourtant que j'essaie encore. Farinet, hé, Farinet, non !» Les hommes attendaient Romayet à l'entrée du village parce qu'il leur avait été défendu de s'approcher. Ils ont vu de loin Romayet qui secouait la tête d'un air découragé. À ce même moment, on a entendu la trompette, c'était les sommations légales. On avait pu penser que les gendarmes allaient attaquer tout de suite, parce que leur simple déplacement coûtait à l'État de grosses sommes. Mais on savait Farinet bien armé, et sûrement qu'il devait être décidé à se défendre, ayant sur ce point-là une grande supériorité, car les passages étaient étroits et le nombre n'intervenait plus. On entend la question du nombre dans ces passages où il n'était possible de s'engager qu'un à la fois. L'attaque n'avait donc pas encore eu lieu, quand dans l'après-midi, un homme s'était présenté qui était de Lignerolles, qui est un village des environs, et avait dit « Il y a une prime, elle est de combien? Eh bien, laissez-moi faire, c'est mon métier. » Il était chasseur de chamois, à ce qu'il disait, et je ne le connais pas, moi, je n'ai jamais eu affaire à lui, d'ailleurs je ne lui ferai point de mal. Avez-vous des cordes? On avait été chercher des cordes. L'homme avait déjà son plan. Il avait dit, Il faut envoyer du monde de l'autre côté de la gorge. Ils le mettront en joue, ça l'empêchera de se montrer. C'était un petit homme sec, avec une barbiche brune, qui semblait sûr de son affaire et peu préoccupé de l'opinion d'autrui, parce qu'il disait, après tout, c'est un brigand. Il s'était muni de deux pistolets à six coups, nouveau modèle, comme celui de Farinet. On l'avait attaché au milieu du corps, selon ses instructions. Il avait dit encore, c'est bien 300 francs. 300. Ils seront pour moi? Oui, si vous le prenez. Eh bien, allons-y. Deux gendarmes étaient descendus de quelques mètres jusqu'à un premier sapin autour duquel on avait enroulé la corde. C'était le second jour dans l'après-midi. Les gens de nouveau sortaient du village. Les gens peu à peu s'approchaient, formant des groupes, hommes et femmes, pleins de colère, parce qu'ils disaient « De quoi se mêle-t-il, celui-là? Il n'est même pas de la commune. On va lui casser la tête. » Mais, empêchés d'intervenir pour le moment, la curiosité les poussait quand même, de sorte que deux gendarmes avaient été chargés de les maintenir à distance. Pendant ce temps, on organisait le jeu des cordes, puis une patrouille s'était portée sur l'autre côté de la gorge. C'étaient trois hommes qu'on avait à peine entrevus, parce qu'ils s'étaient tout de suite dissimulés à une assez grande distance l'un de l'autre, derrière des quartiers de rochers. Et l'homme à la barbiche avait commencé à descendre. Il faisait sa besogne, il semblait s'y entendre. La paroi n'était pas tout à fait à pic, ni très unie, pleine au contraire de ressauts, de retours, et comme d'hésitation, ce qui facilitait mais ralentissait la descente. L'homme cherchait une prise. Puis l'ayant trouvé, il faisait signe aux gendarmes de lâcher un peu de la corde, ce qu'il faisait. On la voyait alors flotter et se tordre comme une couleuvre un instant. Et l'homme, ayant retrouvé la liberté de ses mouvements, allongeait une jambe, allongeait l'autre jambe. Tout s'est passé dans un grand silence, et rien ne bougeait nulle part, parce qu'on pensait que les gendarmes, qui étaient postés de l'autre côté de la gorge, devaient faire peur à Farinet. L'homme descendait. La corde qui s'était retendue a été détendue encore une fois, et vers le milieu du trajet, il y avait un petit sapin où l'homme avait repris pied. Puis, il avait fait signe de nouveau qu'on lâchât de la corde, et on en avait lâché un mètre ou deux, mais probablement qu'elle le gênait quand elle venait à trop se tendre. Alors, il a fait signe qu'on en lâcha encore, pendant que les gendarmes là-haut suivaient des yeux chacun de ses gestes. Et on voyait juste au-dessous de lui le buisson qui masquait l'entrée de la grotte, puis plus rien qu'une ombre grise et trouble au fond de laquelle bougeait le torrent. On avait donc lâché de la corde comme l'homme l'avait demandé. On en avait lâché en tout 4 ou 5 mètres. C'est à ce moment, et comme la corde était encore toute flottante, qu'on a entendu un bruit de glissade pendant que les pierres dégringolaient. Alors un grand rire est monté et une voix. À peine le bruit des pierres s'était-il tu, ayant pris leur élan dans le vide. Ah, ça y est! Ah, tu avais cru que ce serait si facile, tu avais cru peut-être que je ne savais rien. Et le rire avait gagné tout d'un coup jusqu'au village, parce que là-bas les gens étaient déjà renseignés. Il s'est foutu bas, c'est bien fait. L'homme, heureusement, avait été retenu par la corde au moment même où il arrivait au buisson, mais il devait être blessé. La voix de Farinet est de nouveau venue, descendez seulement le chercher. On ne pouvait pas le voir, il parlait au-dessous du buisson, dans la profondeur. Vous n'avez qu'à descendre, on ne fait pas la guerre aux traîtres ni aux maladroits. Et l'homme gémissait, aïe, aïe, puis, hé, là-haut, je ne peux plus remuer, je crois bien que j'ai la jambe cassée. On a vu aussi qu'il avait la figure pleine de sang. Deux gendarmes ont dû descendre pendant que d'autres tiraient sur la corde. Farinet n'avait pas bougé. Il disait « Combien êtes-vous là-haut? Moi, disait-il, je suis tout seul. » Il avait fallu aller chercher une échelle pour remonter l'homme. Lui était juste au-dessous. Il laissait faire, il disait « Ça va? » Il riait, il disait « Je regrette de ne pas pouvoir venir vous aider. » Pendant que l'homme plaignait bruyamment parce qu'il avait fallu le prendre à bras-le-corps. Hein, si j'avais voulu, je vous descendrais tous sans même avoir besoin de me montrer. Car s'ils croient m'empêcher, ceux qui sont de l'autre côté, ils se trompent. J'ai tous les abris qu'il me faut, et puis je crois qu'ils ne voient pas très clair. Allons, tirez seulement. Il étendait son chapeau à bout de bras. Un coup de feu éclate. Raté. un second coup de feu, raté. Doucement, disait l'homme, attention à ma jambe. L'opération a pris 2 bonnes heures et le soir venait quand on eut fini. On avait emmené l'homme à l'infirmerie de Saxon. La nuit fut calme. Chapitre 18. Mais le lendemain matin, il avait été à sa miche. Il avait vu qu'il n'en restait qu'un petit morceau de croûte qu'il a mangé. Passant la main sur le ressaut de roc où il rangeait ses provisions, il voit qu'il n'en reste que des miettes. Le fromage, la viande séchée, les poires, car Joséphine n'était pas revenue et ne reviendrait jamais plus. Le falot, faute de pétrole, s'était éteint de bonne heure dans la nuit. À présent, c'est le matin de nouveau, c'est le matin de ce troisième jour. Il est venu s'asseoir à l'entrée de la grotte, ayant son pistolet dans la ceinture, les 2 fusils à portée de la main. Il s'est dit, c'est fini. Il s'est dit, tout va bien. D'où il était, on ne voyait toujours personne. Lui-même ne pouvait être que difficilement vu à cause du renfoncement de la roche et du retombement des branches, mais sa provision de bois sec tirait, elle aussi, à sa fin. Cependant, il avait allumé le feu. Il continuait de l'entretenir, se levant de temps en temps pour aller jeter sur les braises une poignée d'écorce ou quelques branches sèches, de sorte qu'on voyait monter contre la paroi de la gorge une petite fumée bleue. C'est pour leur dire que je vis, c'est pour leur dire que je les attends. On continuait à ne voir personne, il n'y avait toujours que le froissement dans la profondeur de l'eau du torrent. Il y avait, quand on levait les yeux, l'autre torrent sur votre tête, où des nuages blancs et dorés se défaisaient les uns de dedans les autres, laissant paraître dans leurs déchirures des effilochures de bleu. C'était tout. Mais tout à coup, une trompette a joué un signal sur 2 notes, une première fois. Se tait, ah ah, s'est-il dit. Puis une deuxième fois, une troisième, il prend un de ses fusils, il le décharge en l'air. C'est ma façon de leur répondre. Car, a-t-il dit, je vous serai fidèle jusqu'au bout, pierre de la terre, et vous, rocher. Pendant qu'il les regarde encore une fois de bas en haut et les parcourt des yeux dans toute leur hauteur, ô soubassement des montagnes, on restera ensemble jusqu'à la fin. Et vous autres, est-ce que vous venez? Il s'est mis à parler tout haut, n'ayant pas quitté sa place. Ou bien, si vous allez recommencer à faire l'exercice avec des cordes et des échelles, comme des acrobates, mais vous n'y êtes pas de force, et ça ne vous réussit pas. Il parlait tout haut, tenant un discours. Combien êtes-vous? Nous, on est seuls. Et là-bas, combien êtes-vous? Au moins 30, avec un commandant, des lieutenants, des sergents, des caporaux, moi tout seul, mais c'est-à-dire 2, parce que j'ai avec moi la liberté. Alors, on avait commencé à l'entendre depuis le poste, qui était juste au-dessus de lui, où il y avait plusieurs messieurs en civil, car ils étaient venus ce jour-là en plus grand nombre que la veille, et il y avait 5 gendarmes. Parce qu'il y a la liberté, et vous l'avez sur vos médailles et vos monnaies, mais moi je l'ai là en personne, et elle est assise à côté de moi, une liberté qui est vivante. C'était justement le moment où les opérations allaient commencer, car on ne pouvait pas attendre davantage. Au-dessus de Farinet, il se préparait à descendre, recommençant la manœuvre de la veille, mais cette fois muni d'engins en suffisance. Il tire un second coup de fusil en l'air, il disait « C'est pour vous avertir que je suis prêt. Vous avez des trompettes, pas moi. Vous, vous jouez de la trompette. Moi, je tire un coup de fusil. » Puis il recommence « Sur vos diplômes, sur vos certificats de tir, sur vos billets de banque, sur vos cartes de fête. Mais c'est une personne seulement dessinée. Elle est en chemise de nuit, les pieds nus. Elle vous tend une couronne. Mais elle est fausse, tandis qu'il y a la vraie. Et c'est elle qui est avec moi. » Et ils écoutaient, au-dessus de lui, tout en attendant le signal. On pouvait parfaitement comprendre ce qu'il disait, parce qu'il élevait la voix de plus en plus. Dans l'air et dans les nuages, moi, à côté de moi, et assise sur la pierre. « Vous êtes arrivés trop tard, » continuait-il. Elle m'avait quitté pour un temps, elle est revenue. Elle m'a dit, Farinet, que voulais-tu faire? Je lui ai dit, tu as raison, je n'ai que toi. Il a été interrompu par une nouvelle sonnerie de trompette, puis des cailloux ont commencé à dégringoler, passant dans l'air devant lui, allant se perdre ensuite en grand silence dans le vide. Il tire encore un coup de fusil. Votre liberté, qu'est-ce que c'est? Ah, emprisonné que vous êtes! Ah, numérotée, et il y a la liberté écrite sur vos murs. Mais regardez ce qui est dessous. Ça s'appelle des règlements, des décrets, des lois, des permis. Ça s'appelle des autorisations. Moi, je suis autorisée à mourir. Alors, de différents côtés dans la gorge, les pierres se sont mises à tomber en abondance. Vous ne savez pas qui je suis. Le roi d'Italie ne le savait pas non plus. Et vous, vous aviez cru me garder dans vos galères? Je n'y suis pas resté longtemps. Maintenant, venez me prendre. Il s'est mis debout, un coup de feu éclate, il lève son chapeau au-dessus de sa tête, il a crié: Manqué! Il recommence. Dites adieu pour moi, Joséphine. Dites-lui que je ne lui en veux pas. C'est une bonne fille. Un coup de feu. Et dites aussi à tout le monde que mon or est bon, que. Un coup de feu. Et lui s'est avancé alors sur la corniche, de sorte qu'on lui tirait dessus, de tous côtés. Que c'est du vrai, que c'est du bon, et même du tout vrai et du tout bon. La fusillade avait cessé, et on entendait très bien Farinet, mais on ne l'apercevait plus. Il devait s'être engagé dans un des plis verticaux qui, de distance en distance, tombait le long de la roche, la creusant de haut en bas, et là, la pure décantation de la roche. Alors, une voix forte, dont on ne savait pas trop d'où elle partait au milieu des rochers, l'a interrompue. Ça, c'est vrai. Et Farinet, vous entendez, vous autres, gens de Sion, messieurs de la justice, gendarmes. Et alors, on a crié: Farinet, reste où tu es, on va venir, on est deux ou trois. Comme le plus beau des vins, disait-il, une fois qu'il a fini de bouger. Tiens-toi tranquille, Farinet, on arrive. Et jamais on n'a su qui parlait ainsi, ni qui c'était, ni combien ils étaient, ni où ils étaient, ayant dû se cacher quelque part dans les rochers. Mais Farinet, couleur des moissons, couleur de ses cheveux, à elle. Les coups de feu avaient tout à coup recommencé, couvrant sa voix. Il avait quitté la corniche qu'il avait suivie jusqu'alors. De saillie en saillie, il s'est laissé descendre à la paroi. Alors on a crié encore: Farinet, on va venir. Seulement, tu devrais te rendre. Lui, jamais. On continuait à lui tirer dessus. Il a ôté son chapeau, il l'a agité au-dessus de sa tête encore une fois. Raté. Puis, il continue à descendre et on ne le voyait plus. Et on le voyait de nouveau. Il s'était engagé sur une autre corniche qui allait d'amont en aval. Mais là, il s'est trouvé en face des gendarmes qui étaient postés à cette extrémité de la gorge. Il y a eu une décharge générale. Chapitre 19. Bang! Qu'est-ce qu'on sonne? On écoute un instant. La cloche ne sonne plus. C'est quand on frappe fortement avec le battant le bord intérieur de la jupe de bronze, et le temps fort est au commencement du son, qu'on laisse ensuite s'en aller mourir longuement au loin avec des cahots, comme une charrette trop chargée. Bang! Alors on a compris, c'est le glas. Mais pour qui est-ce qu'on le sonne? Vous ne savez pas? C'est pour Farinet. Tu te rappelles la belle soupière qu'il m'avait donnée pour mon mariage, il y a 2 ans? Bang! Et moi, 6 cuillères en argent. Eh bien, ils viennent de le trouver. Il n'était pas venu tout de suite. Il est venu très doucement. Oh, c'est que l'eau ne va pas vite. Elle est trop profonde, trop noire. Et puis, il y a des places où elle est morte. Alors, ils ont dû attendre. Mon Dieu! Bang! Ça fait gros et lourd, ces habits pleins d'eau. Ça vient, ça s'arrête, ça s'enfonce un peu dans le courant du bis. Ça tourne un moment sur soi-même, ça disparaît, ça surnage à nouveau, ça tourne, ça vient les pieds devant. Bang! Il est fou, ce Vacheret, de sonner ainsi. Oh, c'est qu'il n'en démord pas. Il dit, ce n'est pas un suicide. Il a raison. Tant pis pour la justice. Et les gendarmes n'ont eu qu'à attendre, tu comprends? Puis ils l'ont amené à eux avec la crosse de leur fusil. Bang! Oh, tu vois là-bas? Ils viennent, ils l'ont couché sur une civière. Il y a un gendarme à sa tête, il y a un gendarme à ses pieds. Oui, ils sont venus emprunter une couverture et un drap. Et tu vois justement, ils l'ont mis dans le drap, ils l'ont enveloppé dans la couverture. Bang! Il fait une bosse avec ses pieds à ce bout-ci, une plus petite bosse avec sa tête à l'autre. Ils viennent, oh, ils ont de la peine, c'est que ça n'est pas commode avec le chemin qu'il y a. C'est pas un chemin dans ces pierres. Tu vois, il s'arrête déjà. Ah, comme il est tranquille. Tu vois comme il se laisse faire. Bang! Tout doux, tout gris, tout simple, tout facile. Oh, pourquoi? Qu'est-ce qu'il leur avait fait? Ils étaient 30 contre 1. Pourquoi? Ils ne nous avaient jamais fait que du bien. Tu te souviens? On était 3 filles. C'était à la fête du patron. Les pièces qu'il nous avait données, une à chacune. Ah, il était généreux. Bang! Et bon, un garçon de nos montagnes, et grand. Le cadavre mesurait 1,75 m, a-t-on pu lire plus tard dans le procès-verbal, et fort. L'aspect du corps offrait l'image d'un homme vigoureux et de bonne constitution, à la fleur de l'âge, paraissant de 25 à 30 ans. Ses cheveux étaient blonds, il portait une petite moustache rousse. Bang! Et beau! Le nez était droit et effilé, les yeux de couleur bleue, le front haut et proéminent. Ah, qu'est-ce qu'ils ont fait de lui? Un garçon de chez nous, un garçon de la montagne, un chasseur, un bon compagnon. Car le village tout entier était venu à sa rencontre, tandis qu'il montait et était porté. Il y avait en effet un gendarme à sa tête, il y avait un gendarme à ses pieds. Il venait sous sa couverture bien bordée. Ces messieurs de la justice étaient là qui attendaient. Nous, on se tenait éparpillés, faisant des groupes plus en arrière. Il venait un peu au-dessus de la terre seulement. Il devait être terriblement abîmé. Heureusement qu'on n'en pouvait rien voir. Il portait quelques légères écorchures sur le nez et la face, une plaie transversale d'un pouce environ sur la tempe droite. Les os du pariétal et du coronal étaient broyés. L'estomac plat et vide ne contenait que quelques miettes de pain. C'est ce qu'on a lu plus tard dans le procès-verbal. Alors Romaillet a hoché la tête. Ah, misère! Et le président, ah, misère! Il a passé devant nous, cependant qu'il y en avait une dans la Maison Blanche, là-haut, qui a été fermée sa fenêtre pour tâcher de ne plus entendre, et entend quand même. Alors elle s'enfonce les doigts dans les oreilles, en se cachant la tête dans ses mains. Bang! Ah, oh, bon pourtant, beau, grand, fort, généreux, complaisant, vous vous souvenez, un garçon de nos montagnes. Il a passé devant nous, les gendarmes suivaient avec leurs fusils. Ces messieurs de la justice se sont mis à aller à leur suite. Nous, on est allés derrière, tandis que le glas sonnait toujours. Ah, qu'il sonne seulement, c'est un mort, c'est un pauvre mort après tout. Comme nous, une fois, et comme ces messieurs. Oui, comme ces messieurs quand ce sera leur tour. Malgré leurs beaux habits, malgré leurs coupe-choux, leurs ceinturons, leurs cartouchières. À ce moment, on a vu le sautier qui vient en courant dans la rue. Vous ne savez pas? Elle s'est pendue. Qui ça? Joséphine. On parlait tout bas. Où? Dans la prison. Elle s'est pendue avec la ceinture de son tablier. Le glas venait de se taire. Les gendarmes, étant arrivés devant la maison de commune, on disait, elle a entendu qu'on sonnait, elle a compris, elle a fait avec sa ceinture un nœud coulant qu'elle s'est passé autour du cou, elle a attaché sa ceinture à un des barreaux par l'autre bout, et puis elle a fait basculer sa chaise. Ici se termine Farinet ou la fausse monnaie de Charles Ferdinand Ramu. Enregistré par Christiane Johan pour audiocité.net.